Les belles rencontres. Bonjour, je me présente, je m'appelle Anne Bergeron, artiste peintre. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de vous présenter une artiste aquarelliste très créative demeurant à Dodwell, qui va nous parler de son œuvre originale ainsi que de sa démarche artistique. C'est Marie-Emmanuelle Jamais, surnommée Manouche pour son art d'artiste. Elle a participé à différents événements artistiques et fut l'organisatrice également des symposiums à Dodwell. Eh bien, bonjour Anne. Bonjour Manouche, quel grand bonheur de t'avoir ce matin. Alors, comment au début c'est venu ton ardeur de peintre? Oh ben je suis née avec, je voulais que dessiner étant petite, étant dyslexique, c'était très difficile l'école, et donc moi c'était mon histoire, moi c'était peindre et puis dessiner, et j'étais aussi dans une famille très artistique. Ah oui, tu viens d'une famille artistique. Oui, je viens d'une famille artistique, pas mes parents, mais mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Ah, oui. J'ai un frère qui est peintre, qui est musicien, j'en avais un autre aussi qui n'était pas musicien, donc et mon père nous favorisait beaucoup. Il voulait faire de ses enfants des artistes, donc il nous a beaucoup laissé aller aux beaux-arts et puis l'étude. Ah. Si on n'était pas doué, ben tant pis pour nous. C'était quelque chose comme c'est ça. C'est quand même rare aussi à cette époque-là. Hein, oui, parce que je pense qu'il avait eu lui un revers et il voyait que ses enfants, c'était difficile et puis et il nous voyait doués, il nous voyait aussi qu'on aimait ça, la peinture puis le dessin, alors donc il nous lançait là-dedans. Ah oui, fait que donc voilà. T'étais baignée déjà au départ. Oui, avec beaucoup de critiques, on était même très très critiqués, mes grands-parents pouvaient nous juger par rapport à nos arts et tout, oui. C'était des critiques positives. Positives, oui, bien sûr, mais vraiment c'était pas, c'est beau, non, c'était jamais assez beau. Voilà. Comme ça, tu as appris beaucoup. C'était comme un peu tes premiers mentors, tes premiers professeurs. C'est ça, c'était mes premiers professeurs. Et puis après, j'ai été aux Beaux-Arts, j'avais 12 ans. 12 ans? Oui, 12 ans aux Beaux-Arts du soir. Et je me retrouvais qu'avec des vieux monsieur de 50 ans, 60 ans qui faisaient ça pour leur plaisir. Et moi, j'étais là. Puis j'étais beaucoup avec mon frère aussi. Puis, en tout cas, donc j'ai commencé vraiment à peindre de l'huile vers 12-13 ans, puis de l'acrylique. Ah, oui. et puis après, comme mes études étaient un petit peu catastrophiques, donc j'ai arrêté assez tôt, puis après j'ai été aux Beaux-Arts de Versailles pour me préparer à aller en décoration, en art déco, mais j'ai pas eu l'examen parce que ça prenait trop d'académie. Okay. Donc j'ai été dans une école à Paris. Oui. Là, je voyageais ou j'habitais chez des amis à Paris et j'ai été dans une école qui était la dernière école et c'était la dernière année même. C'était l'école de Paris des arts et métiers et c'était la section dessin de tapisserie, dentelle et broderie. Oh mon Dieu. Et ça, c'était vraiment, et ça a été la dernière, c'était la dernière année. Oui, on a été les derniers rejetons de ça. Ah. Donc moi, ça m'a beaucoup, beaucoup allumé, surtout la tapisserie. Je voulais faire de la tapisserie. Ça te nourrit beaucoup. Oui, ça m'a nourri beaucoup. Et aux Beaux-Arts, après j'ai été aux Beaux-Arts. Et là, vraiment, là, j'ai développé ma broderie et ma tapisserie. Tu as développé. Est-ce que tu faisais. En dessin. Ah, okay. En dessin, c'était le dessin. Moi, je ne touchais pas pour tout à l'heure. Au fil. Non. Okay, pour l'instant, c'était vraiment. Oui. Après, oui. Puis à un moment donné, j'étais à Paris et c'était. Et je vois une grande vitrine avec un métier à tisser devant, là. Je reste comme ça. Puis je dis, ah non, ça, c'est ça que je veux, c'est ça, je veux faire du tissage. C'est vraiment ça. Alors, j'ai commencé à faire du tissage en arrivant À Montréal, c'est là où vraiment j'ai acheté mon métier à tisser. Et là, mais déjà à Paris, je prenais des cours de tissage. Ben, j'allais au magasin. La femme était très contente parce que je tissais dans sa vitrine. Il y avait quelqu'un qui tissait sur son métier, donc ça, elle aimait ça. Et c'est ça. Et puis après, j'ai été au Québec et j'ai acheté mon métier à tisser. Mais comment on peut passer du métier à tisser à l'aquarelle? Parce que t'es devenue après une grande aquarelliste. Oui, il y a eu les métiers à tisser. Moi, j'avais mes bébés, puis je faisais du tissage avec les bébés. Et puis, à un moment donné, moi, je voulais toujours faire un centre. Je voulais faire un regroupement d'artistes. Je voulais faire un centre. Je voulais travailler avec les gens. Ma mère a été très très gravement malade, et moi, je l'ai beaucoup beaucoup soutenue, et elle avait une maladie mentale. Donc moi j'étais aussi pas mal baignée là-dedans et toujours je me disais, j'étais jeune, hein, j'avais 16-17 ans, je me disais mais comment je pourrais aider ma mère et tout. Pour moi c'était, j'ai vécu ça là, j'ai vécu les hôpitaux psychiatriques, aller voir ma mère et tout. Donc j'étais déjà beaucoup beaucoup très sensible à la thérapie et tout ça. Et j'ai été travailler à Montréal, ça s'appelait l'université Saint-Helmand, et c'était un centre, c'était un des premiers centres, mais en ergothérapie. Ah oui, ok. Où il y avait des métiers, où il y avait de la peinture sur soi et tout ça. Moi, j'en faisais déjà de la peinture, donc c'était pas tellement difficile pour moi. J'avais quand même eu tout mon bagage de des beaux-arts et tout ça. Donc, j'ai donné des cours, on m'a dit, est-ce que vous savez faire de la peinture sur soi, puis du bâti? Oui, j'ai fait ça toute ma vie, moi. Il me fallait du travail, et j'ai été donné mon premier cours en art-thérapie. Oui. Ok, en art-thérapie. Oui, en peinture sur soi. Ça, c'est bien, je comprends l'idée, moi, de l'art-thérapie. Okay. Donc, en peinture sur soi. Ouais. Et à ce moment-là, l'art-thérapie, ça se connaissait très peu. Hein, ça, je parle des années 80. Ok donc, il y avait quand même un examen d'art-thérapie, oui, il y avait à l'université l'université anglaise à Montréal, et puis nous on voulait vraiment, donc j'ai rencontré deux personnes. Avant on était 7 ou 8 à faire le projet, mais on n'avait pas de subvention, donc tout le monde s'en allait, et on est resté 3. Trois dont un vraiment faisait ses études à McGill, et puis moi et ma collègue, elle faisait du tissage, et moi je me suis branchée vraiment dans la peinture sur soi et dans le bâti, et on a ouvert un centre qui s'appelle le centre d'apprentissage parallèle à Montréal sur la rue Saint-Laurent, qui est très connu, ça fait donc plus de 30 ans que ça roule, et ça roule toujours. Je connais la thérapie. Ça fonctionne bien, c'est très bon. Et nous, on a été le premier endroit de sortir des hôpitaux. On voulait pas, parce qu'il y avait comme la grande ruche à Hippolyte Lafontaine ou le grand atelier à Hippolyte Lafontaine qui faisait de l'art. Mais il y avait pas d'autres centres à l'extérieur qui faisaient vraiment de l'art. C'était plus de l'ergothérapie, c'était de l'art thérapie qu'on faisait. Oui. On travaillait pour l'art et pour la santé. C'est ça, pour la santé mentale. Oui. Mais on prenait personne qui avait des problèmes de fonctionnement manuel. Oui, c'est ça. Okay. Non, c'était des gens vraiment qui avaient des problèmes psychologiques, qui sortaient des hôpitaux psychiatriques. Il devrait en avoir beaucoup encore aujourd'hui, pas juste à Montréal, parce que on a tous il y a beaucoup de gens qui en auraient besoin. Oui. Je crois beaucoup à cette science-là. C'était... Il y avait un cours qui se donnait comme ça ici à l'Université de Sherbrooke. C'était très intéressant. Et moi, là, j'ai fait ça pendant 20 ans. Oui, 20 ans. Là, on l'a vraiment créé. Et puis après, moi, je suis partie là-dessus pendant 20 ans. Et là, j'enseignais la peinture sur soi, et le batik, le dessin modèle aussi, puis le dessin, ben ça dépendait de la clientèle en fait. Ouais, des fois là je trouvais il y avait des gens qui avaient besoin vraiment de modèles, de dessins, donc je faisais des ateliers de dessin et mm-hmm. Ça s'est très bien passé, j'aimais beaucoup ça, mais c'était on a eu des subventions. On était les chouchous du CR3S. Le CR, c'est le truc de santé et des services sociaux de Montréal. On était vraiment la petite ça. Et puis donc on avait des subventions, ça allait bien. Mais à un moment donné, ils ont voulu changer. Ils ont voulu faire du centre un centre de réemployabilité. Mm-hmm. Ça veut dire que les gens, ils ne travaillaient plus pas en tout sur leur intelligence et sur leur création. Il fallait prendre des patates. Et puis, j'ai capoté. J'ai dit c'était fini là. Ouais. Oui, oui. Mm. Puis 20 ans d'art-thérapie, ça suffisait aussi, vraiment. Okay. Parce que je voulais pas penser de l'autre côté. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent c'est difficile. Alors voilà, ça c'était mon ton histoire. Parcours qui est arrivé à suivre.